France Musique. All That Jazz. Aujourd'hui, Django Reinhardt, quatrième épisode, vers le bebop. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce 21e épisode, le quatrième et dernier chapitre de notre série consacrée à Django Reinhardt. La semaine dernière, nous avons laissé le guitariste à Londres au début de l'année 1946, lors de ses retrouvailles avec le violoniste Stéphane Grappelli, son partenaire historique du quintet du Hot Club de France, première formule. Un autre événement marque cette année-là pour Django. Le guitariste fait le voyage des États-Unis pour tourner en compagnie de l'orchestre de Duke Ellington. Django et le Duke se connaissaient déjà, mais de là à inviter le guitariste à jouer en soliste au sein de la formation, c'est un rêve qui s'accomplit pour Django. Parti les mains dans les poches, Django achète une guitare à New York, ce qui change radicalement sa sonorité, et il se voit confier un rôle d'invité quelque peu à part dans les concerts ellingtoniens. On l'entend ici lors du concert du 10 novembre 1946 à Chicago, au Civic Opera House. Django improvise sur ce blues riff suggéré par Ellington. Thank you. Django Reinhardt, soliste de ce blues riff imaginé par Duke Ellington en concert avec son orchestre à Chicago le 10 novembre 1946, un enregistrement privé qui témoigne bien de la manière dont le Duke a voulu présenter le guitariste lors de cette tournée en invité exceptionnel et non pas comme un membre ordinaire de la formation. Or, Django Reinhardt espérait peut-être bénéficier d'arrangements un peu plus fournis et ne pas se contenter du soutien de la section rythmique. Le guitariste conservera un souvenir plutôt mitigé de ce séjour américain, mais il en revient converti à la guitare électrique et au fait des derniers développements du jazz. En témoigne ce thème enregistré à Bruxelles en mai 1947, titré Babic, du nom de son jeune fils né en 1944, mais opportunément sous-titré Bebop. Babic, sous-titré Bebop, une composition de Django Reinhardt ici à la guitare électrique, en compagnie du clarinettiste Hubert Rostin, du guitariste Eugène Weiss, du contrebassiste Emmanuel Soudieu et du batteur Pierre Fouad. C'était le 21 mai 1947 à Bruxelles. On retrouve Django à la guitare électrique quelques semaines plus tard, dans un style moins explicitement moderne, plus proche sans doute des petites formations du clarinettiste Benny Goodman avec le guitariste Charlie Christian. Le titre « Folie à Amphion » évoque une petite localité près d'Évian où le guitariste avait séjourné à l'automne 1943. Thank you. Folie à Amphion, Django Reinhardt à la guitare électrique en juillet 1947, avec notamment à la clarinette Hubert Rostin. Le format du quintet avec clarinette permet aussi à Django d'explorer une autre voix qui lui est chère, l'adaptation de pièces issues du répertoire de la musique dite classique. Le voici dans sa propre version d'une pièce de jeunesse de Claude Debussy, La Rêverie pour piano de 1890. Django's Dream, l'adaptation par Django Reinhardt de La Rêverie pour piano de Claude Debussy, avec aux côtés du guitariste le clarinettiste Hubert Rostin. C'était en septembre 1947. J'évoquais tout à l'heure la parenté de certains enregistrements du quintet avec l'esprit des petites formations de Benny Goodman avec le guitariste Charlie Christian. C'est encore plus explicite sur ce titre, Topsy, qui porte précisément la marque de Charlie Christian. Charlie Christian qui fut un remarquable passeur entre swing et bebop, malheureusement disparu prématurément en 1942. Thank you. Topsy, un succès de Benny Goodman avec le guitariste Charlie Christian, repris ici par le quintet du Club de France avec Hubert Rostin à la clarinette et Django Reinhardt à la guitare. C'était en octobre 1947. Décidément une année très riche pour le guitariste qui fait montre de toute sa virtuosité sur le tempo très rapide de ce Tiger Rag gravé le mois suivant en compagnie de Stéphane Grappelli au violon. Thank you. Tagarag, nouvelle version du quintet ancienne formule, avec deux guitares rythmiques et une contrebasse, et deux solistes au premier plan, Stéphane Grappelli et Django Reinhardt. C'était en novembre 1947 à Paris. Nous retrouvons les deux partenaires quelques temps plus tard, en tournée en Italie, accompagnés par des musiciens transalpins, ce qui n'empêche pas Django et Stéphane d'inscrire à leur répertoire le récent succès de Charles Trenet, La Mer. Thank you. La mère de Charles Trenet, reprise par Django Reinhardt et Stéphane Grappelli, avec Gianni Saffred au piano, Carlo Pecori à la contrebasse et Aurelio De Carolis à la batterie. C'était à Rome en 1949. France Musique. Vous écoutez All That Jazz, aujourd'hui le quatrième chapitre de notre série consacrée à Django Reinhardt, dont la discographie marque le pas en 1949 et 1950, à l'exception notable des faces gravées en Italie. Il faut attendre 1951 pour renouer avec des documents passionnants enregistrés par la radio au Club Saint-Germain à Paris. Django y est époustouflant de liberté et d'invention, en particulier sur cette version d'un standard rebattu, I Can't Give You Anything But Love. Les autres solistes sont le pianiste Maurice Vander et le saxophoniste alto Hubert Foll. Thank you. I Can't Give You Anything But Love, enregistré sur le vif au Club Saint-Germain à Paris le 20 février 1951. Django Reinhardt y est en compagnie de John Bopper, Hubert Foll à l'alto, Maurice Vander au piano ou Raymond Foll selon certaines discographies, Pierre Michelot à la contrebasse et Pierre Lemarchand à la batterie. On retrouve Hubert Foll, Raymond Foll et Pierre Lemarchand aux côtés du guitariste avec Barney Spiller à la place de Pierre Michelot à la basse et en plus Roger Guérin à la trompette pour une séance typiquement bebop en janvier 1952. Le ton est donné avec cette composition signée Django, Flèche d'or. Flèche d'or, une composition de Django Reinhardt parfaitement à l'aise dans l'idiome bebop avec Roger Guérin, trompette, Hubert Foll, alto, Raymond Foll, piano, Barney Spiller, contrebasse, Pierre Lemarchand, batterie, le 30 janvier 1952. Le même jour, le même sextet grave une autre composition de Django, Troublant Boléro, qui permet à Django de signer l'un des solos fulgurants dont il a le secret. Écoutez la manière stratosphérique dont il déboule dans le solo à la fin du thème exposé par la trompette bouchée de Roger Guérin. Thank you. troublant boléro, une composition de Django Reinhardt gravée le 30 janvier 1952. Une séance décidément très inspirée qui nous permet de goûter les fruits du long séjour du guitariste en club avec les jeunes mousquetaires. Voici une autre composition de Django sur tempo vif, marquée par la nouvelle esthétique du jazz moderne. Cela s'appelle précisément Nuit de Saint-Germain-des-Prés. L'enregistrement fait la part belle aux jeunes partenaires de Django, le trompettiste Roger Guérin, le pianiste Raymond Foll et l'altiste Hubert Foll. De Saint-Germain-des-Prés, le sextet de Django Reinhardt avec Roger Guérin, Hubert Foll, Raymond Foll, Barney Spiller et Pierre Lemarchand le 30 janvier 1952. Les apparitions de Django à la radio et les séances d'enregistrement se raréfient après cette date. Le guitariste se consacre de plus en plus à d'autres activités, la peinture, le billard ou encore la pêche à la mouche. Mais il nous reste tout de même quelques magnifiques témoignages avant sa disparition prématurée en mai 1953. Quelques mois plus tôt, le 30 janvier 1953, Django enregistre en quintette avec Hubert Foll, Maurice Vander, Pierre Michelot et Pierre Lemarchand une de ses plus belles compositions, Hanuman, dont la mélodie confiée à l'alto d'Hubert Foll semble regarder vers l'avenir, vers l'après-bebop. Quant au solo de Django, il est vertigineux comme à l'accoutumée. Thank you. Hanuman, une magnifique composition de Django gravée en janvier 1953 avec Hubert Foll à l'alto et Maurice Vander au piano. Quelques semaines plus tard, Django livre une dernière version de sa composition la plus célèbre, Nuage, en quartet avec Maurice Vander, Pierre Michelot et Jean-Louis Vial à la batterie. On y entend bien la parfaite maîtrise des ressources expressives de l'instrument électrique dont fait preuve le guitariste, inspiré dans ce solo passé à la postérité pour tous les Django-philes. Nuage, dernière version de la célèbre composition de Django, le 10 mars 1953, en compagnie de Maurice Vander, Pierre Michelot et Jean-Louis Vial. C'est au cours de la même séance que Django reprend le tube d'Ari Barroso, Aquarela do Brasil, plus connu sous le titre de Brasil. Brésil, Django Reinhardt avec Maurice Vander, Pierre Michelot et Jean-Louis Vial, le 10 mars 1953. Django a 43 ans, il va disparaître d'une hémorragie cérébrale le 16 mai de la même année. Entre-temps, il signe une dernière séance où l'on remarque le nom d'un pianiste promis à un bel avenir, Martial Solal, qui complète le quintet formé par le vibraphoniste Sadi Lallemand, Pierre Michelot et Pierre Lemarchand. C'est sur un titre de cette séance que nous allons refermer cette série consacrée à Django. Une fois encore, il y est impérial sur ce thème prétexte fondé sur la grille du blues, Décaphonie. Décaphonie, le quintet de Django Reinhardt avec Sadi Lallemand au vibraphone, Martial Solal au piano, Pierre Michelot à la contrebasse et Pierre Lemarchand à la batterie, le 8 avril 1953, quelques semaines avant la disparition du guitariste à l'âge de 43 ans. Ainsi se referme All That Jazz, 21e épisode. Merci à Léa Racine qui nous a aidé à préparer cette émission, à Christine Amado pour la réalisation et à la technique aujourd'hui, Pierre Monteil. Et soyez swing, soyez bop, soyez cool, soyez free. And all that jazz.